mystère, mon doux mystère, qui passe dans la nuit, sous les yeux aguerris, est-ce ce froid qui est là? Malgré ses couvertures d'émoi, mystère, mon doux mystère, qui vole dans la nuit, pour les yeux aguerris, est-ce folie? Est-ce l'hiver qui crée cette étrange atmosphère? Là-bas, il fait chaud, le soleil plonge sur les coteaux. Là-bas, il fait beau, quelques filles jouent au cerceau. Mystère, mon doux mystère, le sourire d'une femme à la lueur d'une flamme que l'on voit de ses bois. Cette image qui ne bouge pas. Mystère, mon doux mystère, pareil à une sarabande, ce fantôme dans les landes et la rue qui mugit. Des bruits des chauffeurs de taxi. Là-bas, il fait chaud, le soleil plonge sur les coteaux. Là-bas, il fait beau, quelques filles jouent au cerceau. Mystère, mon doux mystère, qui vole dans la nuit, pour les yeux aguerris, est-ce folie? Est-ce l'hiver cette étrange atmosphère?